et du mal. Que les gens ils sont différents dans leur pensée des choses, dans leur vision des choses. Peut-être que moi je vois que c'est comme ça, et les gens ils vont me dire non, d'accord, moi je vois comme ça. Et peut-être qu'il n'y aura pas tort. Tu vois? Cela il s'est passé dire qu'on a, c'est un dire que Jibril a été la fille. Est-ce qu'on croit comme Jibril a été la fille? Parce que quand je dis que c'est une création d'Allah, c'est une création d'Allah, mais c'est pour ça qu'on est différent. Le nom sous كذلك يتفاوتون بالتقوى كما قال تعالى. Et même les gens entre eux, ils sont différents selon leur piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Surat al-Hujurat verset 13. D'accord. إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ Les plus honorés يوم القيامة عند الله, ceux qui أتقاكم, ceux qui sont le plus pieux. ويتفاوتون على حسن مخالفتهم لهذا والفساد. Et en plus de ça, les gens sont différents selon leur passion. Il y en a qui arriveront à prendre leur passion dans la main, il y en a d'autres, non, c'est les passions qui vont faire que cette personne suit les passions. On est différents. Il y en a par exemple, ils n'écouteront pas de musique, parce que ça, ils ont en fait la musique haram, la yajouz. Il y en a d'autres qui disent, non, mais de temps en temps, ça me fait du bien, ça me détend. Ah ben tu vois, on est différents. Il y en a d'autres qui vont te dire, non, tu peux écouter de la musique quand par exemple, il n'y a pas de parole malsaine. Et là, tu vas dire, non, tu peux écouter de la musique, donc il n'y a pas de parole. C'est comme de la musique classique. Par exemple. Musique, parce que ça, ils ont peut-être la musique haram, la yajouz. Et là, tu vas dire, non, mais de temps en temps, ça me fait du bien, ça me détend. Ah ben, tu vois, on est différents. Et là, tu vas dire, non, tu peux écouter de la musique sans parole, il n'y a pas de parole malsaine. Il y en a d'autres qui vont dire non, tu peux écouter de la musique sans qu'il n'y a pas de parole. C'est comme de la musique classique, par exemple. Il y en a d'autres qui vont te dire oui, mais moi, des fois, ça va pas quand j'écoute de la musique, on se rappelle Allah et son prophète. Ah bon? La musique, on se rappelle Allah et son prophète. Allah al-Musta'an. Il y a des gens autour de nous, ils écoutent de la musique. Il y a des frères, ils écoutent de la musique et on le sait, ça. Ces gens-là, on ne peut pas leur dire du jour au lendemain, enlevez la musique. N'écoutez pas la musique. Même moi, quand j'ai commencé à faire la prière, j'ai continué à écouter la musique. Je ne peux pas dire que j'ai envie de vivre au lendemain. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut habituer son oreille à écouter le Coran et à écouter le Hadith comme on l'a habitué à écouter la musique. Comme tu as été habitué à écouter la musique, habitue maintenant son oreille à écouter le Coran et à écouter le Hadith. Et chaque chose vient avec l'habitude. C'est avec l'habitude que ça vient. C'est pour ça que quand quelqu'un vous parle du haram, il doit automatiquement vous ramener le halal. Ça c'est haram, mais voilà ce qui est halal. Quelqu'un vient et vous dit ça c'est bid'a. Il faut qu'en vous donnant cette parole qui vous dit c'est une bid'a, il vous ramène à sunna. D'accord, c'est bid'a. Après le badil. Le badil c'est le contraire. Quelqu'un vient et dit c'est haram. J'accepte, c'est pas ça le message, il est halal. Quelqu'un vient et dit que c'est bid'a. J'accepte, mon frère, allez la sunna. Quelqu'un vient et dit ça, ce hadith là est da'if. D'accord, mon frère, demande le hadith sahih. À chaque chose, il y a un contraire. Tu viens m'annoncer une chose, tu viens m'annoncer une chose, mais moi, ce qui va me réconforter. Tu me dis, tu m'enlèves la musique, je suis d'accord avec ça. Demain, est-ce qu'il peut remplacer la musique? Là, il est dit dans le Coran, Alladina amanu, tasma inu qurubuhum li dhikrillah. Voilà, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas la dhikrillah, tasma inu qurubuhum, mais c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Habitue ton oreille à écouter le Coran, aime le Coran. Tu me diras, mais j'ai écouté la même chose. Le Coran, il n'y a pas le malheur dans le Coran. Un des miracles du Coran, c'est qu'il n'y a pas de lassitude dans la lecture du Coran. Ça, c'est un des miracles du Coran. Tu as beau dire le Coran, oui, même si tu te fais récitement mille fois, alhamdoulilah, enfin mille fois tu vas le lire et mille fois tu ne seras pas lassé de cette lecture. Donc, tu as le miracle du Coran. Bon, quand par exemple, Cheikh Soubaïd est à la maison en coffret, tu vas écouter, tu vas changer, prends un autre. Prends Cheikh Shoreï, prends Cheikh Al-Abaïti, prends Cheikh Abdel-Bakar, prends. Voilà, écoute différentes lectures. Chacun il a sa propre lecture. Écoute le Mansouri, écoute Tablaoui. Tout ça, ce sont des grands lecteurs du Coran. Écoute, habitue ton oreille à écouter du Coran, à écouter du Coran, du Coran, du Coran, du Coran. Tu verras que la fin de la musique, tu verras la classer et ça sera fini pour toi, bi'idhnillah. C'est pour ça qu'ici, il faut dire que chacun est différent de l'autre. Selon sa foi, selon ses passions, comment il arrive à les maintenir ou pas. ويتفاوتون على حسب مخالفتهم للهوى الفاسد وملازمتهم للفعل الأوامر المحبوبة عند الله تعالى. Et chacun donc par rapport à cette foi qu'il a dans l'enfer, ou il fera plus d'action, ou il en fera moins selon les gens, comme on l'a expliqué. وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ Et les croyants, ce sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Yunus verset 62 et 63, il dit que أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura aucune crainte pour eux, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ils ne seront pas tristes, c'est-à-dire de crainte de ce qu'ils vont trouver après leur mort, et ils ne seront pas tristes de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Quelqu'un par exemple qui est un wali Allah, un ami sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas celui qui risque des tours de magie, qui se fait sortir des miracles, c'est pas lui le wali Allah. Le wali Allah c'est celui qui suit le Qur'an et la sunna comme les plus connaisseurs de l'unité comprendre. Ils sont eux les wali Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, la khawfun alayhim, il n'y aura pas de peur pour eux, ils n'auront pas peur de ce qu'ils vont rencontrer devant eux. D'accord ? Voilà, ils sont et ils ont laissé des familles, ils ont laissé des enfants, ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts ? Ils ont quitté la tumeur. Il ne faut pas qu'ils soient tristes. T'inquiète pas, celui qui les a créés, il va pas les laisser tomber. D'accord ? Ce sont qui ? Ils ont cru. Ils étaient pieux. C'est pas simplement je crois que ça même se s'arrête là. Parce que le prophète de Faïch aussi, il croyait en Allah, son père, il savait que c'était le créateur. Mais Rahma Dalika, l'ami al-Fahum Imanum, mais la foi ne les a pas sauvés pour ça. فعلى حسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى تفاوت درجة والياسين عند الله. Et comme par rapport à cette foi-là et cette piété, en bas, les degrés auprès d'Allah est différent. On n'a pas tous le même degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon notre foi, selon notre piété, en bas, on aura un degré différent les uns des autres. وَأَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ Et ce qui est le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, هُوَ أَكْرَمُهُمْ فِي الطَّاعَاتِ C'est celui qui sera le plus dans l'obéissance d'Allah وَرَسُولِهِ Et qui sera dans l'obéissance du prophète alayhi salatu wasalam وَأَكْثَرُهُمْ اتِّبَاعًا لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم Et celui qui suivra le plus le Coran et la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ أَكْثَرُهُمْ اتِّبَاعًا لِلْمَذْهَبِ الْمُعَيَّنِ Et ce n'est pas celui qui suit par un tel avis ou tel avis en dehors du Coran et de la Sunna qui sera le plus honoré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Ibn Qadr al-Kifaya, wa subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وهذه طويلة من دانيير بالأمن والإياد ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه On avait dit que ça voulait dire la sûreté d'être à l'abri des arrêts divins et le désespoir en la miséricorde d'Allah sont en effet inadmissibles dans l'islam. C'est entre les deux, c'est-à-dire l'espoir et la crainte, que se trouve le chemin de la vérité pour les gens de la Qibla. On avait parlé aussi de « وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ » On avait expliqué que le serviteur d'Allah ne sort pas de l'islam que par la négation de ce qui lui a fait entrer. On avait expliqué aussi la semaine dernière. On n'avait pas le temps de terminer. La troisième partie, c'était quoi? والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. Ça, on n'avait pas expliqué. On va l'expliquer aujourd'hui, et si on a le temps de continuer, on le fera bien. Donc, l'auteur ici, il nous amène une définition de l'Iman. Il nous dit que l'Iman, c'est l'Iqrar bil-lisan, c'est l'Iqrar bil-janan. C'est ce que l'auteur nous ramène. Le mur a donné plus de précision à ça. Qui veut dire? La foi, c'est l'approbation par la langue et la confirmation par le cœur. C'est ce que l'auteur nous ramène. D'accord. شرح الكتاب الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس يغمن أن فوا كي يعني جنرال dans tous les livres de l'Aqida. Il dit ce qu'il dit dans son شرح. Il dit وهذا خطأ فإن الحق الذي عليه أهل السنة وجماهير العلماء سوف أهل السنة والجماعة وسلف الأمة في قديسه et l'unanimité des ulama dit que l'iman, c'est quoi l'iman la foi? C'est tasdiq bil janan, c'est le qalb avec le cœur, wal iqrar bil lisan, et prouvé par la langue, c'est-à-dire par la bouche, wa amalun bil arkan, c'est une action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'iman, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui est prouvé par la bouche et par les actions. C'est ça l'iman. Pas comme الوثيق هذه الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وانتهى الأمر. ذكر سوى الإيمان سي التصديق بالجنان avec le cœur أي القلب وإقرار باللسان في الطروب فقلنا في الطبوش وعمل بالأركان avec quoi avec les membres de ton corps c'est-à-dire en faisant des actions. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة c'est partie des bases primordiales des plus prédécesseurs. والأدلة على أن العمل من الإيمان لا تحصى من الكتاب والسنة. Et si tu regardes la preuve que nous énumérons là, qu'on a dit que c'était avec le cœur, avec la bouche, avec les actions, tu ne pourras pas les compter dans le Coran, dans la Sunna. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves qui sont dans le Coran et dans la Sunna qui te prouvent bien ce qu'on vient de dire. ويندني على ذلك عند أهل السنة أن الإيمان يزداد أو يزيد وينقص. Et on peut pas tout simplement déduire, on peut en déduire que l'iman يزداد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. C'est-à-dire que ici on en déduit que la foi elle augmente et elle diminue. Elle augmente dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue dans la désobéissance. Mais ici je vais faire une petite allusion, on va expliquer une chose. الإيمان ينقسم إلى اثنين. يقسم مثلا الإيمان الموجود أو الإيمان المطلق. Ça dépend de vous parce que vous rencontrez. C'est l'Iman que tout le monde a dans son cœur. Et on a ce qu'on appelle l'Iman المطلوب, l'Iman qui est demandé, ou bien مطلقة الإيمان. مطلقة الإيمان c'est justement la même chose. C'est l'Iman qui est demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si aujourd'hui je te pose la question, je te dis « Mahou al-Iman » comme Jibril a.s. il est venu demander au prophète a.s. « Mahou al-Iman » qu'est-ce qu'il lui a répondu au prophète a.s. il lui a dit « L'Iman » c'est l'Iman billah « Amala ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yamil akhir wa qadr khairi wa shari wa ba'fida bil mut » ce sont les six points de la foi qui sont la croyance en Allah. Quand on dit la croyance en Allah, c'est en ses noms, en ses attributs de sa qualité, en son unicité dans la seigneurie, en son unicité dans la divinité, en son unicité dans ses noms et ses attributs. D'accord? La mana ikati. En ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, en ce qu'on appelle la signification du bien et du mal. Ça, c'est la croyance du musulman. D'accord? C'est ça l'imam, comme il a défini. Donc, si moi aujourd'hui je te pose cette question, tu vas me dire la même chose. Ce que je viens de te dire, je vais le dire. Si dans 20 ans je dis, je dis, moi, l'imam, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire quelque chose d'autre à part que dans tout? Non, je vais me dire la même chose. Donc, ça, c'est l'imam. Elle me joue, c'est la foi qui est déjà dans ton cœur. Mais ce qui veut dire ici par là, quand tu te dis que l'Iman est Yazbed ou Yankos, c'est ta prouillette l'Iman. C'est ça qui diminue ou qui augmente. C'est quoi ta prouillette l'Iman? C'est la chose qui va te pousser à faire de bonnes actions. C'est ça qui augmente. Et c'est ça aussi qui diminue. Ama l'Iman al-Haqqiq al-Nabi Sir Khalbika, lui il diminue ça. Tu crois en Allah aujourd'hui, dans 20 ans, Inch'Allah Bidina, tu croiras en Allah. Dans 50 ans, tu croiras toujours en Allah, Bidillah. Ça ne change pas dans ton cœur. C'est quoi qui va changer? C'est ce qui va te pousser à faire des bonnes actions, comme ce qui va te pousser à faire des péchés. ce qu'on appelle taqwiyatul iman. D'accord ? قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله سبحانه وتعالى جدا القرآن في سورة التوبة verset 124 quant aux croyants elles se font croître leur foi et ils s'en réjouissent quand ils entendent le cœur, quand ils entendent les versets et qu'ils sont récités. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام parle, la foi elle augmente dans leur cœur. Quand on dit la foi, c'est ce qui va leur faire faire des bonnes actions. D'accord ? Comment ils ont fait avec l'Esprit de Dieu avec eux? Comment la foi n'augmente pas? C'est pareil pour nous, la foi elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, quand, maintenant je reprends le terme à l'envers, quand je dis la foi, hein, et quand je vous dis la foi, vous savez de quoi je veux parler. Puisqu'on a expliqué ce que je voulais dire. D'accord? Donc, c'est comme nous aussi. Quand on écoute les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand on écoute les paroles de son prophète, on ne peut qu'augmenter. On ne peut qu'augmenter. Notre amour ne peut augmenter. Que justement quand on entend les versets, quand on entend les hadiths, quand on se réunit, quand on entend les ulama qui se disent, quand on entend les sharah, quand on entend les explications, on ne peut commenter. Alaykoum salam, ala barakatou wa maghfiratou. D'accord ? Pourquoi ? Parce que justement, il te rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle de son paradis, il te met en garde contre l'enfer, contre le châtiment de la tombe. Tu ne peux que t'approcher. Mais si par exemple, on n'écoute pas le Coran, encore moins on ne le lit pas, on n'écoute pas les cassettes, il y a des doros, on n'écoute pas les hadiths, on ne vient pas quand il y a des cours. Comment ta foi va augmenter? Tu n'as aucun livre, tu ne fais pas de dhikr, ta foi ne peut pas augmenter. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est amma alladhina amanu, quant aux croyants, fazadatuhum imanan, en parlant des versets qui sont récités, elle fait faire croître leur foi, eux ils s'en réjouissent, et ils s'en sont fiers, ils en sont contents. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, dans un autre verset, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم afin que leur foi augmente avec déjà la foi qu'ils ont. Mais comment vous expliquez, je vous répète encore une fois pour bien qu'on comprenne, c'est la foi qui est déjà dans ton cœur, c'est pas celle-ci qui va augmenter, celle-ci elle est tout le temps là, c'est ce qui va te pousser à faire des bonnes actions qui va augmenter. Plus tu es dans l'obéissance, c'est plus tu vas faire beaucoup d'actions. Moi, tu es dans l'obéissance, donc c'est faire le contraire, c'est la désobéissance. Moi, tu es dans les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, qu'est-ce qu'il dit? Le verset que j'ai cité, le verset numéro 2, il est de Surat al-Fatih. Verset numéro 4. Wa qala ta'ala, wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Surat Maryam, verset 76. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus droits que droits. Ils sont déjà droits parce qu'ils suivent le droit chemin, mais encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il les affirme, il les a affirmés. D'accord ? وَلَا كَانَتْ الْأَعْمَالُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي إِسْمِ الْإِيمَانِ لَسْتَوَى جَمِيعُ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ. Ici, il nous dit, l'auteur, il nous dit que si les actions des gens ne peuvent pas غير داخلة في اسم الإيمان ليس partie de la foi comme on la connaît لاستوى جميع الناس في الإيمان. Alors là, qu'est-ce qu'on aurait eu? On aurait eu tout le monde au même pied d'égalité, tous les gens auraient été au même pied d'égalité. Et c'est quoi qui va faire justement la différence? C'est que parce que les actions c'est une chose, la foi dans le cœur c'est une chose, et ce que tu veux dire par la bouche c'est une autre. البر والفاجر والمطيع والعاصي ما داموا قد أقروا بالخالق والألوهية وأمور الإيمان الأخرى وصدقوا بها. Pourquoi? Parce que si tu vois quelqu'un qui fait des péchés et quelqu'un qui ne fait pas de péché, et il ne faut pas par ses actions qu'il est dans l'obéissance ou dans la désobéissance, elle est où la différence? C'est comme le murji'a. Le murji'a, c'est qui? Ce sont ceux qui te disent المعصيه لا تدور مع الايمان. La règle primordiale de cette secte égarée, c'est quoi? C'est ils te disent que tant que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala, celui le créateur, celui le pourvoyeur, celui le maître de l'univers, même si tu peux te pécher, c'est pas un problème. Parce que ça y est, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ton créateur. Tu vois? Alors il pousse à la défendre n'importe quel péché tant qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, celui le créateur. إذا على وصف الجسدي والله سبحانه وتعالى يفرض الوعد والوعيد. الوعد والوعيد هو الوقت tout les récompenses que Allah سبحانه وتعالى a promis aux bons croyants et à la bonne croyance. Et الوعيد ce sont toutes les punitions. Alors Allah سبحانه وتعالى dit que voilà celui qui fait le zina, voilà la punition qu'il a. Quand tu viens du zina, tant que tu sais que Allah سبحانه وتعالى est significateur, tu peux pas faire le marché, pas de problème. Tu vas à l'encontre des versets où Allah سبحانه وتعالى est fait le zina. Tu vas à l'encontre des versets où Allah سبحانه وتعالى est fait le l'alcool, de la boisson alcoolisée, le khamar. Tu vas à l'encontre des versets où Allah سبحانه وتعالى est interdit l'intérêt. غير أن هذا من الأصول الفاسدة والحق هو ما ذكرناه مما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. إلا بغيثة تسلط سكوج سمعنا لنمغي فك المسلم الحقيقي هو الذي يعيش بين الخوف والرجاء وهو الذي يعني إيمانه يزداد بالتعاون ينقص بالمعاصي. الفريق فان الغرمي جمع تسلوي كيدي أنت لا فور c'est-à-dire l'espoir et la crainte, et c'est celui qui, sa foi, va augmenter dans l'obéissance et qui va diminuer dans la désobéissance. On continue. وَجَمِيعُ مَا صَحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ الْحَقِّ. La totalité de ce qui est authentique, venu du prophète صلى الله عليه وسلم comme législation et éclaircissement, est vérité. والإيمان واحد وأهله في أصله الصلاة والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. La foi est identique et les croyances sont à l'origine identiques. La différence entre eux se fait uniquement en fonction de la crainte, de la piété, de l'insoumission aux passions et de la constance dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن. Les croyants sont tous amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, et le plus digne d'eux auprès d'Allah est celui qui obéit le plus et qui applique le plus les recommandations du Coran. On va expliquer tout ça. Ça c'est le texte de l'auteur que je vous ai traduit en français. Maintenant on va l'expliquer. Ici, il dit, كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان للأمور الدين فهذا كله حق. Tout ce qui est dit du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est vrai, c'est vérité, c'est véridique. Il n'y a pas de doute. On ne doit pas avoir de doute. Mais le doute, il est où? Il est si pas grand que si il se dit le prophète عليه الصلاة والسلام, il a fait quelque chose. Ou le prophète عليه الصلاة والسلام n'a jamais dit quelque chose. Ou le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas fait telle chose. Il n'a pas permis telle chose. Le doute, il est où? Il est dans la personne qui nous ramène ce fait. Nous, il nous est demandé de authentifier son dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu me dis que le prophète a fait quelque chose ou pas? Est-ce que tu as une preuve à l'appui? Est-ce que tu as un argument à l'appui? Est-ce que tu as un dalil à l'appui? D'accord, tu me dis que le prophète a fait dans la prière, mais c'est seulement sur sa poitrine comme ça. T'as un hadith, t'as un argument qui vient qui me dit que le prophète a fait quelque chose, il est tout là-bas et même pas ici? Oui, il y a un hadith. Qui me donne le hadith? Qui a rapporté le hadith? Le hadith il est sahih, c'est pas il est sahih? Khlas, c'est vérité. Et je vous donne un autre exemple. On a toujours appris et toujours entendu que quand on rentre dans les toilettes, on ne devait pas parler. Il était interdit de parler. Quand on rentre dans les toilettes, on ne parle pas. Je dis à la personne qui me dit il ne faut pas parler, est-ce que tu as un dalil qui vient nous interdire de parler? Il n'y a pas de dalil. Et pourquoi il n'y a pas de dalil? Parce qu'il n'y a pas de dalil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il n'y a pas de dalil, c'est la permission. Le shirk, la base dans la religion, c'est quoi? C'est le même là. Tout est interdit dans la religion. Tu ne peux pas faire une chose dans la religion tant qu'il n'y a pas un texte qui vient te dire que tu peux faire cette chose. Dans la religion, tu ne dois pas faire des choses de ta tête. Tu dois faire des choses que s'il y a un texte. Si un texte qui te dit fais ça, fais ça, tu te dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais s'il n'y a pas de texte, c'est la permission. Par rapport aux choses de la dunya, ou à l'autre, c'est dunya, c'est l'ibaha. Et les choses dans la dunya, c'est tout permis dans la dunya. Tu dois faire tout. Sauf s'il y a un texte qui vient te l'interdire. Un texte tiré de quoi? Du Coran et de la Sunna, bien entendu. Donc par rapport aux toilettes, quand il y a toilettes, il n'y a pas de texte qui vient te dire qu'il ne peut pas parler dans les toilettes. Il n'y a pas de texte. Donc tu peux parler dans les toilettes, comme quand tu parles dans ta cuisine, ou dans ta chambre, ou dans ta salle de bain, ou dans le salon. Il n'y a pas de texte qui vient te dire « Attention, c'est interdit, il ne peut pas parler dans les toilettes. » Mais nous, on sait que ce lieu-là, c'est un lieu saint. On ne va pas lire du Coran dans les toilettes. On ne va pas lire des hadiths. On ne va pas mentionner le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les toilettes. On le sait. D'accord ? Mais sinon, le kalam est le mubah. Les paroles de la dunya qu'on utilise journalièrement, pas de problème, tu peux l'utiliser. Mais sinon, il n'y a pas de texte qui vient te dire que non, il ne faut pas parler dans les toilettes. Ben, il y a déjà un certain. Il y a déjà un rentre dans les toilettes quand tu lui dis il y a quelqu'un. Il fait non, ou bien il tape. Je dis, ah si, c'est chcoum. Alors qu'il n'y a pas de texte. Tu vois? Alors, mon frère. Mais des petites choses comme ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est un exemple que je vous citer comme ça, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans la religion qu'on croit qu'il ne faut pas faire ou qu'on croit qu'il faut faire parce que sinon, si on ne fait pas. Tu vois? D'où l'apprentissage de la religion? L'importance de l'apprentissage de la religion? Donc tout ce que le prophète a.s. nous a mis, c'est de vérité. Il y a un bon exemple dans le prophète a.s. C'est le meilleur exemple. Si tu ne suis pas le prophète, si tu ne suis pas la vérité, c'est que tu suis le feu de mensonge. Si tu ne suis pas le prophète, là tu es qui? Mais que je ressemble. Je suis la discrétée. On en a tous des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui les voient, ils ressemblent à Johnny Hallyday. Il y a des gens qui les voient, ils ressemblent à Michael Jackson. Oui, dans leur bégale, dans leur façon de s'habiller, dans leur coupe, dans leur quoi. Ils ont des bases partout, Johnny, Michael Jackson. C'est de la police, ça. Mais ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais un pote. C'était du Johnny Hallyday. Il avait tous les disques. Là, il y avait concert, il y allait. Il avait même des photos avec des autographes et tout. Mais quand il s'habille, c'est comme lui, la même coupe, tout. Alors, il me tente, je me tente. Mais c'est moi, jeune, je n'ai les deux, c'est ma passion, je n'ai les deux, je me tue pour lui, moi, si jamais je n'ai c'est puis je vais mourir avec lui. Alors, il me tente. Et nous, quand on dit qu'on a le prophète à la salade de sang, elle est où la preuve de ce qu'on dit? Jeune le prophète à la salade de sang. Et ça, avec quoi t'es le prophète à la salade de sang? C'est moi, là. Avec mon cœur. Avec ton cœur, t'es le prophète à la salade de sang? Qu'est-ce qu'il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala? On ne sait jamais, les gens vont dire, ouais, mais qu'est-ce qui nous amène là? On vous amène le dernier toujours. Allah, selon moi, va dire, oui, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Si tu te dis, le mahabba, l'amour que tu as au prophète dans les salaisons, allez dans le suivi du prophète dans les salaisons. Fattabi'uni. C'est un ordre, un impératif. Fattabi'uni, suivez-moi. Voilà, il t'a dit, il est où? Il est dans le Coran. Celui qui vient te dire, ouais, mais regarde, lui, là, regarde ce qu'il fait et tout. Merci, nous on sent le dire du Coran de la Sunna authentique. On ne peut pas faire aux gens. On ne peut pas faire aux gens. Comment tu peux pas faire aux gens quand tu lui dis voilà Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit dans le salam, voilà ce que le prophète a dit dans le hadith. C'est pas toi qui lui fais peur quand tu lui parles comme ça et qu'il n'accepte pas. C'est sa foi qui ne veut pas accepter. C'est sa nef qui ne veut pas accepter ta foi, ou parce que la nef elle est ferdana, elle est fatiguée, elle n'a pas été éduquée. Ou parce que sa foi n'est pas encore assez forte pour pouvoir accepter de sortir dans les rues de Paris, dans les rues de Paris avec un crâne sans derrière. Et je ne dis pas comme certaines personnes qui disent, mais à chaque fois que vous parlez, vous dites le crâne sans derrière, crâne sans derrière. Le crâne sans derrière, ça fait partie de l'islam, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Et pourquoi j'en parle plus spécialement? C'est parce que ce sont deux sunnas qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas des sunnas d'intérieur. Il y a beaucoup de choses que tu fais que tout le monde va croire. Que c'est tout à fait normal. Les sunnah dans la prière, les sunnah du hajj, les sunnah, beaucoup de sunnah. Mais les sunnah d'extérieur, c'est en général ce qui frappe le plus. C'est ce qui frappe le plus. J'ai pas de titre de la cassette, j'aime pas citer des noms, mais quand je suis obligé de citer des noms, je vais citer des noms. Il y a un conférencier qui s'appelle Hassan Ekhuysen. Hassan Ekhuysen, ce n'est pas un verset dans la science religieuse. Son histoire, c'est un historien. C'est un historien. Il a fait des études d'histoire. Il n'a rien à voir avec l'histoire. Il a appris à droite à gauche, on ne lui dit pas qu'il ne connaît pas. On ne dit pas qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas certaines choses. Mais quand on entend dire qu'il dit lui-même dans une cassette, j'ai pas le site que je vous ramènerai, Inch'Allah, pour que celui qui veut écouter la cassette, il l'écoutera, Inch'Allah. Et il verra ce que je dis, c'est vrai. Il dit dans une cassette, autrefois, je mettais le khamis et je mettais le turban sur ma tête. Mais il dit pas qu'il faut, il dit pas je mettais le khamis et le turban. Il dit je mettais une montre et je mettais le 33-12 sur ma tête. Voilà comment il dit dans la cassette. Il dit j'avais l'impression d'être un clown. Je faisais fuir plus que ramener. Et dans une autre cassette, il dit j'avais l'impression d'être le diable. Ça, c'est un conférencier qui parle sur les femmes comme ça, de la semaine du prophète avec la personne. Je ne sais pas citer des noms, j'aime pas citer des noms. Mais quand on est obligé de citer certaines personnes, il faut les citer. Subhanallah. Une ligne droite et un 33 tours. J'avais l'impression d'être un clown. Je ne pouvais plus fuir que ramener les gens à l'islam. Et dans une cassette, j'avais l'impression d'être le diable. On va le montrer. La sunna du prophète avec la personne est le diable. Un autre conférencier, chaque fois, c'est toujours le même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en parlant du siwak. Il dit le siwak, on le voit jour et nuit avec le siwak dans la bouche. Regarde, on dirait que c'est un dentifrice portable. Celui qui a dit ça, alhamdoulilah, c'est confirme. C'est grave, mon frère. Le siwak du prophète, alayhi salatu wa sallam, il y a plus de 70 hadiths authentiques qui parlent du siwak et des bienfaits du siwak. Je viens dire que c'est les dentifrices portables. Qui sont ces gens-là qui ne prennent pas Allah, subhanahu wa ta'ala? Et des conférences comme il y en a beaucoup. Tu ne me combats pas moi. Tu combats Allah et son prophète en disant des mots comme ça. Tu combats Allah et son prophète en disant des mots comme ça. C'est vrai que nos frères qui suivent le chemin de ses prédécesseurs, ils ont trop tendance à être un petit peu trop fermes et trop sévères, à tel point qu'ils ne veulent pas sourire, il n'y a pas de chaleur et tout ça. C'est vrai que c'est pas que ça se fait fuir. Mais c'est pas parce que ces frères-là, ils n'ont pas encore bien compris le sens de la da'wah qu'on va remettre l'islam en jeu, et qu'on va remettre l'éducation des plus prédécesseurs en jeu. Qui étaient les prédécesseurs? Personne ne viendra me dire le contraire, que c'était les compagnons des compagnons sont poursuivis. Personne ne pourra venir le contraire. Subhanallah. Mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a regardé à travers méchamment ou qui t'a dit des mots méchants que tu vas remettre la cause sur son dos. Et que tu vas englober, c'est-à-dire tout le monde est la même chose. Subhanallah. Dans toutes les sectes qui sont égarées, il y a des gens qui sont très très bien. Mais pourquoi ils sont avec eux? C'est pas que c'est l'ignorance. En général, c'est l'ignorance. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette secte-là, lui? C'est l'ignorance. Mais ils sont très bien. Alors on va englober, on va dire que non, parce que lui, il est égaré, qu'il vient de réussir, il est égaré. Subhanallah. Tu vois, il fait souple. C'est surtout tout ça tolérant. Il sait ce qu'est le dialogue. Il pense que c'est le dialogue de l'autre. Écoute-le. Laisse le ramener ce qu'il te ramène. Que tu n'as pas peur, que la vérité avec toi, donne-lui la vérité. Donne-lui. Lui te dit ça, que tu me dis ça. Lui te ramène ça, que tu me dis ça. Et on regarde. Alors, ce qu'on appelle, il va enseigner. Il va enseigner qu'avec un al-kifab, avec un al-kifab, le chrétien et le juif, on doit bien se comporter. Il nous ramène leur dire et nous ramène les autres. Subhanallah. Entre frères, on se met des coups. Entre frères, dans une même mosquée, des fois tu mets un groupe, il est là-bas, le groupe là-bas, il se fait faire comme ça, méchamment. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à l'école et que je faisais même pas la prière, les bandes là, c'était les zoulous là, on se prenait pour des. Oui, subhanallah. Il y avait des groupes comme ça dans l'école, tel groupe, on se regardait comme ça. Subhanallah. Je me rappelle très bien ce moment-là. Subhanallah. On avait des grosses bottes là, des grosses chaussures avec des gros lacets. On mettait des fois des élastiques. Des casquettes comme ça retournées à l'époque du smurf, à l'époque de la présidence. Du hip-hop. Quand je me rappelle. Mais bon, ce sont des moments de vie qu'on a passés. Ah, mais c'est la malade de ça, j'ai l'impression de rester dans les mosquées, entre frères. Subhanallah. Bon, on rigole, mais normalement, il faut pas rigoler. Normal, on sourit. Il y en a qui se rappellent qui prennent sur les dos, sur la tête. Subhanallah, tu vois. Alors aujourd'hui, quand tu retrouves ces choses-là dans la religion, c'est grave. Alors que nous, la mahabba, nous, l'amour que le prophète a réussi à nous enseigner, elle est une. Toi, ce que tu as à faire, c'est de donner un bon comportement. Tu donnes toujours, c'est pour ça que je dis que tu dois faire mieux par les fins. Par les fins, quand vous avez l'argument avec vous, quand vous avez la preuve tirée du Coran, la preuve tirée de la Sunna, parlez. Et n'essayez pas de parler de plus que ce que vous savez. Ne rentrez pas dans des sujets où vous allez vous noyer. Il y a des sujets qui sont délicats. Alors une conversation à l'un et l'autre, une conversation à l'un et l'autre, un dire un autre, tac, tac, tac, et là tu te retrouves perdu parce que tu n'as plus de balise. Tu n'as plus de preuves avec toi, et vive de bon moment. J'avais raison. Et après, le plus gros, c'est pas ça. C'est que toi, quand tu vas partir, tu vas avoir des doutes. C'est sur quoi tu as raison finalement. Alors qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais voir certains frères. Après, j'ai une question à te poser. Ça. Mais non, c'est très bien ils ont trouvé ils posent ces questions. C'est parce qu'auparavant, ils ont eu des conversations avec d'autres personnes qui leur ont mis des choubras dans la tête. Ils leur ont mis des ambiguïtés dans la tête, des doutes dans leur cœur. Ils veulent enlever ce doute et cette ambiguïté de eux-mêmes. Ils ont dit. Alors, ils m'étaient dit, par exemple, voilà, il y a un frère, il pose cette question. En vérité, on sait que la question vient de toi. Mais des fois, en fait, il y a des questions qui sont vraiment de certains frères. D'accord. On dit de ne pas perdre son temps. Perdez pas votre temps, les frères. Parlez pas avec n'importe qui. Si vous vous sentez capable de faire une bonne darwa, à votre niveau, faites. On vous dit pas de ne pas faire darwa. Au contraire, c'est obligatoire de faire darwa. Jamais quelqu'un a dit qu'on était contre la darwa. Mais on est contre la darwa qui est fausse. Darwa, c'est obligatoire pour toi, pour moi, pour tout le monde. Le prophète a dit, il a dit, « Baliru anni wa law aya ». Aya, un verset, c'est quoi un verset où il a intimé de notre sérieux. Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il dit, « Aya, c'est quoi Aya ?» Il dit, rahimahullah, rahmatullah, il dit que Aya, c'est par exemple, quand tu as une personne qui ne fait pas la prière, tu dis, « Mais pourquoi tu ne fais pas la prière ?» La prière, c'est bien, tu m'expliques, voilà. Rien que ça, c'est Aya. Tu dis à ton frère, tu sais que sous l'âge de jeûner le lundi et le jeudi, il commence à jeûner le lundi, sinon, ça, c'est Aya. Tu vois ? C'est pas ayah obligatoirement un verset du Coran et un hadith. Bien sûr, c'est aussi ayah. Mais ayah, c'est une petite chose dans la religion. À partir de ce moment que tu as transmis, le chien de l'Église. Mais transmettre le cours, ça non, on n'accepte pas. On n'accepte pas. Une prison qui est dans le prophète, à l'Esprit de la Salaam. Le comportement du prophète, à l'Esprit de la Salaam. Subhanallah. Il s'est insulté, il s'est frappé, il a saigné, ses dents se sont cassées. Il a pleuré, mais il n'a jamais dit « Ya Allah, demir ummati » ou « Allah, anéanti ma umma ». Il disait toujours quoi ?« Allah m'a dit ummati nam la yalamu »« Oh Allah, guide ma umma, elle ne sait pas, elle ne sait pas. » Quand je vois quelqu'un comme ça, il ne faut pas. Il ne faut jamais sous-estimer les gens. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Je vois quelqu'un qui vient de sortir du café, il pouvait avec la famille, tout ça. Il vient d'appeler du sujet. Il m'a dit du roi. Avec une salade, rahmatullah, wa barakatuh, wa barakatuh. Avec une salade, wa barakatuh. Il ne faut pas venir par exemple. Il vient vers toi et tout. Il vient te saluer. Tu sais qu'il vient de sortir du café, tu sais, il sent l'alcool. Des fois, il y a des gens, tu les vois comme ça, ils viennent t'embrasser. Il ne faut pas les refuser. Même si tu sais qu'ils ont bu de l'alcool. Il ne faut pas les refuser, il fait un bisou, il s'en va. Il est content, mais pour lui. Tu ne peux pas savoir ce qu'il a dans son cœur. Laisse-le. Dis-lui une bonne parole. Allah yaqab. Inch'Allah tu as la te guide. Allah yaqab. Tu vas voir ce qu'il a ressenti dans son cœur. Et plusieurs fois, on a vu le contraire. On a vu quelqu'un comme ça qui était à moitié bourré. Là, il voit par exemple un frère avec un khamis et tout ça. Il le jette comme un vieux torchon. C'est ça, Bernard ? Comme une fois, on était avec deux frères, il y avait moi, on marchait comme ça, on était tous avec la Sunna. Ici, il y a une fille, elle passe, c'était une fille arabe, je ne sais pas quelle nationalité, arabe. Elle n'avait pas de chez elle. Elle nous regardait, elle nous regardait, jusqu'au moment où on est passé, tu vois. Elle a bien comme ça, ils ont passé comme ça. mort d'intersection comme ça, le trait d'unité que tu fais, c'est en la regardant. En la regardant, elle a me regardé, hein, elle fait, il fait quoi? Devant elle. Elle est en train de me mettre les larmes aux yeux. Alors, quand j'ai vu ça, ce frère-là connaissait le Coran par cœur. Il connaissait le Coran par cœur, mon frère. Je lui ai montré tout ce que tu fais là. Il dit, mon cœur, ça l'a regardé. Je lui ai dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est fini. Salam, salam, sans plus. Salam, alaykoum, alaykoum, salam, sans plus. Le frère avec qui j'étais, on l'a boycotté. On ne parle plus de ce frère-là. Comment est-ce qu'un frère-là? Pourquoi tu n'étais pas de droit à la mort de l'un? Vous savez comment on nous a regardé? La réponse, mon frère. Comment on nous a regardé? La réponse. C'est pas une réponse, mon frère. Est-ce que tu sais ce qui est dans son cœur? Elle te regardait comme c'est musulman, Inch'Allah. Regarde, ce sont eux les vrais musulmans. Moi, je me dis musulman, mais en vérité, on peut pas savoir. Comme par exemple, elle peut dire, voilà. Là, je sais pas. Donc, je suis assez fort pour essayer de reprendre d'aller bien en main et que je devienne une bonne musulmane comme ces gens-là. Parce que tu peux pas savoir ce qu'elle pensait. Je suis devant elle. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai refroidi. Et ça fait partie du comportement, ça. Il ne faut pas sous-estimer les gens. Les gens, ils sont comme ils sont. On fait des durs à ces gens-là. On fait un travail. Après le reste, c'est entre leur Seigneur et eux-mêmes. Donc on a dit, « Kullu ma saha an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-shir'i wal-bayani li umur al-din sahada kullu al-haq. Sawa'un ma warada bi-tawatur ou ma warada bi-tariq al-ahad. » Il dit, ici le temps que ce qui est venu à nous bi-tawatur, bi-tawatur c'est de génération en génération, de parole en parole, confirmé. Comme le Coran. Le Coran, c'est, il n'y a pas de doute dessus. Ça a été enseigné du Prophète, le Prophète, les compagnons, ainsi de suite. Or, bi akhbar al-ahad, même si par exemple ça a été ramené par une seule personne. Je vous donne un exemple. Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, al-mu'minin, il ramène un hadith. C'est le seul à l'avoir ramené ce hadith-là. Il dit, innama al-a'mal bi-niyyat. Que chaque action, bon selon l'intention. C'est le seul à l'avoir ramené ce hadith-là. Mais ce hadith, ahad. Mais c'est un hadith sahih, et on fera avec ce hadith-là. Donc, qu'il y ait une seule personne qui a ramené le hadith, ou une 30 personnes qui ont ramené le hadith, c'est la même chose. Donc le hadith, bien sûr, il est sahih. Et هذا هو مذهب أهل وهو مذهب أهل الحق وكل من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنما قد صدحه. Ça c'est donc مذهب الحق, c'est le chemin à suivre. Que celui qui te ramène donc le hadith sahih, l'authentique du prophète alayhi salatu wasalam, c'est vérifié. Mais maintenant celui qui fait le contraire, il te ment sur le prophète alayhi salatu wasalam, il dit que le prophète alayhi salatu wasalam a fait telle chose, Ou il n'a pas fait telle chose, Alors qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wasalam l'a fait, ou le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il va le rabaisser, il va le lui faire, il va prouver aux gens que ce qu'il dit est faux. Il va l'afficher, si on préfère. Il va révéler la vérité. Ton corps, ça va pas, hein? Péjoratif. Oui, bien sûr. Ça va pas, c'est péjoratif. Quand on dit va l'afficher, négativement. Celui qui vient et qui dit que le prophète Allah sallam, il a dit telle chose alors qu'il l'a pas dit. Ou il a fait telle chose et qu'il l'a pas fait. Ou bien le contraire, il a fait telle chose et qu'il dit, ah non, le prophète Allah sallam, il a jamais fait telle chose. Alors qu'il l'a fait, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala va montrer la vérité au cœur. C'est ça ce que ça veut dire. وَالْإِمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَى وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الْأُولَى. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que la foi est identique et les croyances sont à l'origine identiques. Ça, on va expliquer cette phrase-là. Parce que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il n'est pas d'accord avec cette phrase-là. On va l'expliquer. Il dit, le propos de l'auteur concernant la foi est identique et les croyances sont à l'origine identiques, est un propos faux. Pourquoi? Car les croyants ne sont pas identiques dans leur foi, mais ils se surpassent d'un grand pas. Ainsi la foi des messages, c'est le texte de Cheikh Ibn Baz que je vous ramène. D'accord? C'est la production du texte de Cheikh Ibn Baz concernant cette phrase que vous avez. Il dit, mais il se surpasse d'un grand pas. Ainsi, la foi des messagers d'Allah n'est pas comme la foi des autres hommes. Subhanallah. Tout comme la foi des califs et du reste des compagnons, radiallahu anhum ajma'in, diffère de celle des autres hommes. La foi des sahaba n'est pas la nôtre. Il est pareil. De même façon, la foi des croyants pieux n'est pas comme celle des pervers. Quelqu'un qui est dans le dîme et quelqu'un qui n'est pas dans le dîme, la foi n'est pas pareille. D'accord ? Et ce surpassement se fait en fonction de ce qu'il y a dans le cœur, comme connaissance d'Allah, de ses plus beaux noms, de ses attributs, de sa loi légiférée, pour les serviteurs. Telle est la parole des gens de l'enseignement. C'est ça. Donc c'était pour expliquer ce que l'auteur lui avait dit par rapport à l'iman wahid wa ahlu fi'at al-sawa. Mais dans ce qu'il dit après, quand il te dit « wa tafadulu bainahum bil khashyat wa tuqa wa mukhalafat al-ahwa mulazamatun lil-ula », il dit tout donc que la différence entre eux se fait uniquement en fonction de la crainte de la piété, ça c'est juste, de l'insoumission aux passions et de la constance dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a le cité des versets qu'on va citer plus loin. Donc on explique tout ça en arabe. الذي ذكره أولا في تعريف الإيمان والحق أن الناس متفاوتون في أصل الإيمان أيضا كما قلت لك في كافة إثيك لجان إنسان فتغي إنسان فإيغو شكاً سلو سفوا سلو la compréhension qu'il a du Coran سلو la application qu'il mettra par rapport au Coran et à la Sunna. Quelqu'un qui met un khamis et qui se balade dans les restaurants, c'est pas comme celui qui ne met pas le khamis et qui se balade dans les restaurants. C'est pas la même chose. C'est pas facile quand t'as des regards qui se serrent, quand t'as les yeux qui sont fixés sur toi. Tu rentres dans le métro, les gens se regardent comme ça. Tu rentres dans le bus, les gens se regardent comme ça. Tu vas dans n'importe quel endroit, les gens se regardent comme ça. C'est pas facile. Alors il y en a qui vont se dire, mais ça parle, monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, ils m'ont connu, on sait pas qui je suis, voilà. C'est pas la même chose. Lui, tu dis ça, mais en réalité, c'est parce que c'est un manque de foi. Je dis pas qu'il n'a pas la foi, mais sa foi, elle est. S'il avait une foi, il sait qu'il n'a pas l'occasion de parler à ces gens-là à la parole, ou par la parole, il a fait par l'intermédiaire de la tenue vestimentaire. Combien de gens sont revenus rien parce qu'ils ont vu des gens qui se baladaient en khamis comme ça? Combien de gens ils sont revenus parce qu'ils ont vu quelqu'un, ils sortaient dans la chichilla, un beau khamis bien, propre, blanc. Quand on dit, ils se mettent la chichilla aussi. C'est pas toi qui peut mettre la semaine en place. Comment ? Tu vas pas mettre en train de déchirer, tricoter ou beurre, ou par exemple tu viens de manger des spaghettis, tu vas te faire prendre partout, et tu vas partir comme ça, ou en train de se croiser. Le musulman, il doit être présentable. Tu mets un famille, tu es repassé, propre, tu te parfumes, tu te crois, tu t'arranges. Le musulman, il ne sort pas forcément dans la rue. Et pas dans le marché comme ça, il y avait un frère. Il avait un chemise blanc, un survêtement vert, des chaussures, même pas des baskets, des chaussures, de ville. Il avait une chaussure rouge et une veste de costume. Et en plus de ça, il avait des taches de peinture sur son chemise. Subhanallah. Vous avez des taches de peinture sur son chemise. Et il va la prendre dans le marché, il va faire ses courses. C'est ça la dame? C'est pour ça que le prophète Al-Sarat Islam dans le hadith, il mentionne qu'il n'est pas sunna de mettre des vêtements en plusieurs coloris. Surtout quand c'est un khamis ou des choses comme ça. La sunna, c'est d'avoir un vêtement uniforme. Uniforme ou unicolore. Unicolore ou là. C'est pour ça qu'une seule couleur. C'est ça, quand un khamis avec des teints jaunes ou là, des rayures, des choses. Moi, je cherche pas, sur Dino concernant la retra. Il a dit deux choses aussi. Il a dit qu'il est préférable d'avoir une retra blanche. Mais bon, c'est son rôle. C'est son avis. C'est ça, ce musulman, il doit être dans Paris et toutes les couleurs. Il ne représente pas bien l'État, lui. Subhanallah. Il sent propre, repassé, ses vêtements repassés, il se parfume, il s'embellit, il s'arrange. Comme ça, dit quand il sort. Les gens, ils voient, ils disent, machallah, la propreté, c'est mort à ça. Et même dans le choix des parfums, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire des douloureuses comme ça, de faire des gars. Très important. Je pense sur des parfums, je pense sur n'importe quel parfum. Je pense sur des parfums qui font fuir les gens. Il y a des parfums comme ça dans certaines librairies. Dans certaines librairies, ils vendent des parfums à 10 francs, à 15 francs. Tu les mets, je te promets, là, ça fait fuir les gens. Même pour ça, c'est même pas si ça, c'est valable. Subhanallah. Alors les gens, ils disent, non, mais je prépare son parfum à 10 francs, c'est pas cher. Ceux qui n'ont pas, je ne dis rien sur eux. Chacun se connaît, chacun connaît son porte-monnaie. Mais quand tu as les moyens, achète-toi un petit parfum qui te semble mieux un peu plus, investi. Nous, on a un exemple qui dit « Même ça m'a rappelé l'orsini, d'arabat, l'orsini ». C'est-à-dire que celui qui cherche le moins, il en perd la moitié. Et ça, c'est vrai, c'est mon grand-père qui disait ça. Quand tu vas au marché, par exemple, tu vas, il vend 3 kg de tomates à 10 francs. Et l'autre, il vend 1 kg de tomates à 20 francs. En bas, dans les 3 kg de tomates que tu vas acheter à 10 francs, 2 kg et demi, tu peux les jeter à la poubelle. Il va te faire 100 grammes. Mais l'autre kilo que tu as acheté à 20 francs, tu vas toutes les manger tes tomates. Alors pourquoi est-ce qu'on veut moins cher? Alors l'autre, il vend 4 kg de bananes à 10 francs. Si tu manges ça, la moitié, tu les jettes. Tu vas acheter 1 kg à 10 francs, mais tu les manges toutes tes bananes. Subhanallah. C'est pour ça qu'il vaut mieux de s'investir un peu plus, chercher quelque chose de bien, solide, propre, même dans mes vêtements. Il y a quand même qui se vendent à 20 francs, à 30 francs. Non, je suis bien, d'accord, je suis gentil. Comme je dis, chacun connaît son porte-monnaie. Mais on a tous les moyens de s'acheter un chemise un peu plus cher. C'est mieux présenté et présentable. Subhanallah. Quand tu vas l'acheter, tu vas la mettre. Tu l'achètes avec un niveau de sunnah, avec un niveau de da'wah. Donc, cet investissement-là, il n'est pas gratuit. Tu en seras récompensé, bismillah. Si tu investis pour la religion, tu seras récompensé. Chaque action que tu fais pour la religion, tu en seras récompensé. Toutes ces dépenses que tu fais, c'est pour la religion, tu en seras récompensé. Il ne faut pas croire que c'est de l'argent perdu ou bien c'est de l'effort perdu. Tu en seras récompensé, bismillah. وإلا أمكن أن يقول إن إيماننا كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وكإيمان الملائكة وهذا باطل ظاهر البطلان. Pourquoi donc Cheikh Ibn Baz rahimahullah il a expliqué que le propos de l'auteur était faux, que la foi n'est pas toute identique, chacun a sa propre foi, comme les prophètes ont leur foi, les compagnons ont leur foi, nous on a la nôtre. Parce que sinon, ça revient à dire que alors, la foi du prophète avec la nôtre, avec la foi de la est identique. Ou bien la foi que nous avons et la foi des anges est identique. C'est ça que c'est. D'accord ? Il y a quelqu'un qui dit que la foi de Omar et de notre religion dans la communauté. Oui, c'est ça. Et les a'malas داخله في اسم الايمان يتفاوت بها الناس بل حتى التصديق يتفاوت منه الناس même le fait de la croyance elle est différente. Regarde par exemple quand le prophète عليه الصلاه والسلام il parlait avec le tasdiq radi Allahu anhu, dès qu'il disait une chose, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est la vérité. Il ne dit pas sur cette parole là ce que le prophète عليه الصلاه والسلام a dit, c'est la vérité. Quand il est parti de la ascension, quand il est parti de la nuit de l'ascension et qu'il est revenu, le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a parlé à un certain groupe de personnes. Ces gens-là sont venus voir Abu Bakr Siddiq Radhi Allahu Anhu. Et on dit que le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit ça. Il a dit le prophète ça ? Faqat Siddiq. C'est la Qur'an Sallallahu Alaihi Wasallam. Il n'a pas entendu tout le temps le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam et ça lui dire, c'est peut-être que des soins et tout, mais attends, comment il dit ? Il dit que tu leur as dit ? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, il voulait interdire ? Faqat Siddiq Radhi Allahu Anhu. Mais même pour nous, c'est la même chose. Même pour nous, c'est la même chose. Il y en a de ce que depuis tout à l'heure que je veux faire là. Il y en a, ils vont prendre ce que j'ai dit directement. Pourquoi ? Parce que, Inch'Allah, je pense qu'ils me font confiance. Alors, ils vont prendre sans chercher à comprendre. Il y en a d'autres qui vont dire, attends, on va faire le tri de ce qu'il a dit. Il y en a d'autres qui vont dire, attends, il y a des choses, à mon avis, c'est ça, va voir. Dans un autre groupe, là. C'est comme ça, on est différents. On est différents. C'est pour ça que, ici, quand il te dit de la chute, que les gens ils sont différents dans leur pensée des choses, dans leur vision des choses. Peut-être que moi je vois que c'est comme ça, et bien ils vont dire non, donc moi je vois comme ça. Et peut-être qu'il n'aura pas tort. Tu vois ? Cela il s'est dit Rouna, qui est un dire Jibril alayhi salam. Est-ce qu'on croit comme Jibril alayhi salam il a cru ? Pourtant Jibril, c'est une création d'Allah, c'est une création d'Allah aussi. C'est pour ça qu'on est différents. والناس كذلك يتفاوتون بالتقوى كما قال تعالى إمام الجاء أنفسهم إيش سنتي سرور سرور يوم كنتي